Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive où je vous propose d'embarquer aujourd'hui pour un mag reportage. C'est en effet une balade un peu particulière qui s'est déroulée en l'après-midi du 11 février à Chargé. Une sortie à hauteur d'enfant où les participants ont découvert l'architecture locale sous un nouvel angle. La sortie « Matières à construire » animée par Camille Touleland, chargée de la médiation patrimoniale au Pays Loire-Touraine, les a emmenés à la rencontre des matériaux qui façonnent les façades du village. Après l'observation, place à la création, avec un atelier où chacun a imaginé sa propre construction. Nous avons suivi ce rendez-vous pour vous. On commence ici, vous nous apportez, regardez, une caisse. Ça s'appelle une matériothèque. Vous connaissez une bibliothèque ? Une ludothèque ? Ben là, c'est une matériothèque. Donc on va regarder les matériaux qu'il y a à l'intérieur de la caisse. Ensuite, on fera une toute petite balade dans Chargé. Et puis après, on ira se mettre au chaud et à l'abri dans une salle pour faire des activités avec nos 10 doigts. C'est quoi, du ça bois. Des planches de bois. Alors, ceci. Ah, bien. Le calcaire, si on veut être un peu moins précis, on peut dire que c'est de la pierre. Et dans les pierres, il y a plein de familles, il y a plein de sortes de pierres différentes. Et ça, tu as raison, c'est de la pierre calcaire. Et la pierre calcaire, elle fait partie de la famille de la craie. Vous allez voir, quand vous allez toucher le morceau, ça laisse un peu de blanc sur les mains, comme les craies qu'on utilise pour écrire au tableau. Tiens. Et ça, c'est un morceau de calcaire très ancien, puisque si vous le retournez, regardez de l'autre côté, on voit qu'il y a peut-être un coquillage ancien. Alors la pierre blanche, ou alors... Tuffeau. Ouais, c'est tuffeau. Et le tuffeau, il est né comment? Mais en fait, c'est une pierre qui s'est formée à l'endroit où il y a très, très, très, très, très longtemps, il y avait la mer. En architecture, maintenant, on peut utiliser du plastique. Par exemple, on parlait des fenêtres tout à l'heure. Ben aujourd'hui, il y a beaucoup de volets, par exemple, ou de structures des fenêtres qui sont en plastique. Tiens, j'ai un gros morceau, là. Très, très, très, très, très, très, très lourd. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Avec ça, on peut construire des maisons entières. C'est un parpaing. Et alors, le parpaing, c'est fabriqué en quoi, à votre avis? Est-ce que c'est une pierre? On va le fabriquer avec du béton. On a aussi, comme question qu'on peut se poser, donc on a dit, est-ce qu'on trouve facilement ce matériau? Est-ce qu'il est difficile à se procurer? Est-ce qu'il a des bonnes propriétés esthétiques? C'est-à-dire, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il a des bonnes propriétés thermiques? Est-ce qu'il a aussi des bonnes propriétés acoustiques? Là, alors, c'est une photo qui a été prise en Italie, dans la ville de Florence, dans une basilique, dans une église en Italie. Et ça, c'est une chapelle, donc une partie de l'église, qui a été construite pour une famille qui s'appelait les Médicis, qui était très très riche et très puissant. Et regardez, c'est tout en marbre. Toute la chapelle a été construite dans cette pierre magnifique qui a plusieurs couleurs et qu'on appelle le marbre. Au moment où on a installé tous ces miroirs dans la Galerie des Glaces à Versailles, le palais du roi de France, ça coûtait extrêmement cher de fabriquer un miroir. Donc, on se doute que quand on construit avec ce type de matériaux, c'est qu'on a beaucoup d'argent. Okay. Donc les matériaux qu'on utilise nous donnent plein d'indices sur ce qu'on a sous les yeux. Sur l'église, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des pierres très différentes. On a par exemple les pierres de taille, c'est des gros blocs bien propres, bien taillés. Et on a à l'inverse ce qu'on appelle par exemple des moellons. C'est des petits blocs de pierre, eux qui sont pas très bien taillés. Ils vont servir pour faire l'intérieur des murs. Là où il y a la porte, on voit que c'est que de la pierre de taille. Et quand on fait, par exemple, du remplissage à l'intérieur des murs, tu vois ici le pignon de la maison qui est devant nous, on voit là sous l'enduit que c'est du moellon, c'est de la petite pierre pas taillée. Ok, donc on a de la pierre, qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'ardoise. De l'ardoise, très bien. Et l'autre, ça s'appelle comment, on a dit? De la tuile. De la tuile, ok. On a soit de l'ardoise, soit de la tuile. La tuile, c'est vraiment typique de notre région. On l'a dit, il y avait beaucoup d'usines ici pour la fabriquer. Par contre, l'ardoise, on n'en trouve pas en Touraine. Alors elle vient pas très loin, elle vient d'Angers, notamment de Trélazé, mais ça veut dire qu'au Moyen-Âge, il n'y en avait pas. C'était que de la tuile. C'est après qu'on a commencé à faire venir de l'ardoise de la région d'Angers. Là par exemple, sur le pignon que je montrais tout à l'heure, on voit qu'est-ce qui apparaît là sous l'enduit. Du bois. Du bois, ouais, pour la structure de la maison. Okay. On va prendre le petit chemin qui descend par là. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme matériau de construction? Du bois. On a des poutres horizontales au-dessus de la fenêtre et de la porte. Et au-dessus, on a des poutres, ce qui nous dit que c'est une maison qui s'appelle comment? Quand la structure, le squelette de la maison est en bois, il y a deux façons de dire possible. Oui. Colombage, oui. On dit soit c'est une maison à colombage, ou alors en pan de bois. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a du verre, ouais. Il y a du cuir. Alors oui. Donc, vous allez pouvoir venir vous servir en briques et en tuiles. Vous allez les monter sur votre petit support comme ça, en mettant avec la brosse à dents un petit peu de ciment pour coller les briques entre elles. Ça va ? Ça sert à quoi ? Alors ça, c'est un outil. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle ? Oui, ça... Une truelle, oui. Eh bien, les maçons, quand ils construisent un mur, ils utilisent une truelle. Vous allez pouvoir incorporer des fenêtres, des portes, ok ? Et quand vous aurez terminé de monter votre mur, pour mettre sur le toit, vous avez des tuiles. Ok ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire une maison avec des petites briques. Des vraies briques en petites briques. Et toi ? Une maquette d'une maison en briques. Est-ce que c'est bien comme activité ? Oui. Ça te plaît ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est trop bien, parce que c'est le même travail que tonton Chava. Oui, il y a beaucoup de ciment dans mon jardin. Observer, comprendre, reproduire. En quelques heures, ces apprentis architectes ont posé un regard neuf sur leur environnement. Grâce à cette animation « Matières à construire », l'architecture est devenue plus qu'un décor, un patrimoine à toucher, à questionner, à s'approprier. Peut-être que parmi eux se cachent de futurs bâtisseurs. C'est la fin de ce mag, rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition.